vie serait-elle si belle? S'il y avait pas de fin, au fond est-ce vraiment grave? Si j'ai pas t'aimé, pas de refrain. Moi j'aime la guerre, j'ai des frères, mais j'aime bien faire sans eux. J'ai peur de la pauvreté, donc j'aime pas les pères à 700 eux. J'aime pas le jour, ça me coupe l'inspiration. J'aime pas entendre mon cœur, parce que je sais que je perds la vie à chaque respiration. J'aime bien le voyage, pas la destination. J'aime bien me dire que cette putain de terre en vrai n'est qu'une simulation. Que l'homme en s'auto-détruisant n'a pas fait ça pour rien. Moi j'aime pas faire grand chose, car au fond j'aime bien faire tout bien. J'aime pas ce qui dure qu'un temps, alors bien sûr j'aime pas la paix, les faux semblants. Et j'aime pas la mort s'il y a pas d'après. Je préfère ne pas connaître les gens que devoir dire adieu. Tellement vécu dans le noir que j'ai peur d'un avenir radieux. J'aime bien être seul ou être deux. J'aime pas le réveillon car ça veut dire que l'homme a besoin d'une fête pour être heureux. J'aime pas ce monde car bien et mal, tu vois pas la diff. J'aime pas les hôpitaux, les murs blancs et les soins palliatifs. Moi j'aime pas les problèmes, j'aime que la solution. J'aime pas ce gouvernement, j'aime pas le système, j'aime pas la corruption. Car ils respectent aucune des lois qu'ils ont dictées. Si tu penses autre chose, tu fermes ta gueule, c'est pas compliqué. Je préfère le taf, j'aime pas la chance car elle m'a pas rappelé. J'aime bien écrire la nuit, j'aime bien mes fans et j'aime pas rapper. J'aime bien mon double et toutes ses perceptions. J'aime les lignes droites, pas les intersections. L'être humain et ses imperfections. Alors chaque jour je me dis j'arrête. Tu voudrais être comme moi, mais crois-moi, t'aimerais pas voir tout ce qu'il y a dans ma tête. Pas mon cerveau, car je pense pas qu'il mène au paradis. Je me pose des questions con, pourquoi la gare de Lyon est à Paris? Un peu d'espoir et t'en as besoin, alors t'oublies ta peine. Je te l'ai déjà dit, innocents rient, quand ils souffrent ils apprennent.